بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous allons donc commencer aujourd'hui, inshallah, le troisième pilier de l'islam qui concerne la zakat, qui est donc dans le hadith, dans la continuité des explications du hadith numéro 2 des Arba'in Nawawiyya, des 40 Nawawiyya, qui concerne donc le hadith de Jibril alayhi salam. Et donc nous avons expliqué le premier pilier de l'islam, le deuxième, que sont les deux attestations de foi, et nous avons expliqué le deuxième pilier de l'islam, la salat. Et donc nous commençons, inshallah, donc la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. Le Sheikh Salah Al-Fawzan, hafidahullah, donc a donc dit dans l'explication de ce hadith concernant Ruknu Thalith, le troisième pilier, Ita'u Zakat, le fait de donner la zakat. وهي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Donc Allah le Très-Haut, donc le fait de donner la zakat, eh bien c'est un droit dont Allah le Très-Haut l'a ordonné, l'a rendu obligatoire. Dont Allah le Très-Haut l'a rendu obligatoire. Et il l'a rendu obligatoire de prendre donc des biens, donc le fait que les gens riches prennent de leurs biens afin de donner aux gens pauvres. D'accord ? Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 19 de Sourate Adh-Dhariyat, et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Et dans un autre verset, قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Dans Sourate Al-Ma'arij, donc le Sourate Al-Ma'arij, donc traduction du sens du verset 24, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le déshérité. فهي حق واجب وليست سنة أو مستحبة أو تبرعا. Et donc il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidahullah, il dit, eh bien, c'est un droit, c'est-à-dire la zakat, c'est un droit qui est obligatoire. Et ce n'est pas une sunna, dans le sens une sunna qui n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a aussi des sunan qui sont obligatoires. D'accord ? Il y a des sunnas qui sont recommandées, d'autres qui ne sont pas, ni qui rentrent dans tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc il y a les sunnas obligatoires et sunnas qui ne sont pas obligatoires. Et là, c'est pour ça que lorsqu'il dit ce n'est pas une sunna, c'est-à-dire ce n'est pas une sunna obligatoire. Donc c'est un droit qui est obligatoire et ce n'est pas une sunna non obligatoire, ou bien une sunna qui est recommandée, ou bien c'est juste le fait de donner comme ça, yani quand on veut. Non, c'est un droit qui est obligatoire. C'est un droit qui est obligatoire. فَمَنْ أَدَّاهَا بِتِيبْ نَفْسٍ قُبِلَتْ مِنْهُ. Celui donc qui donne la zakat en étant satisfait de la donnée au fond de lui, hein, dans son fort intérieur, il est satisfait de la donner. Eh bien, c'est accepté de lui. ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر وإن كان معترفا بوجوبها ولكن منعه البخل من إخراجها فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويعزره ويؤدبه. Donc, il dit, le cheikh Salah Fawzan Habidullah, il dit, donc celui donc qui donne la zakat, il sort la zakat, il la donne en étant satisfait de la donner, eh bien, cela est accepté de lui. Tandis que celui qui refuse de la donner, dans le cas où il refuse de la donner parce que il déteste la donner. D'accord? C'est-à-dire, parce qu'il dit le Sheikh, وَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ. Celui qui refuse de la donner en reniant son obligation, en reniant l'obligation de la zakat, d'accord? De donner la zakat, eh bien c'est un kafir, c'est un mécréant. Donc celui qui refuse de la donner et il renie l'obligation de donner la zakat, celui-ci est un kafir, un mécréant. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha walakin mana'ahu al-bukhl min ikhrajiha fa innahu yajibu 'ala wali al-amr an ya'khudhaha minhu qahran wa yu'azzirahu wa yu'addibahu. Et donc il dit, tandis que s'il croit donc en l'obligation de la zakat, il reconnaît l'obligation de sortir la zakat, de donner la zakat, mais ce qui l'empêche c'est la paresse. Par paresse, yani il ne la sort pas, d'accord? Par paresse, il ne la sort pas. Eh bien, dans ce cas-là, le gouverneur, celui donc qui détient l'autorité, le gouverneur musulman bien sûr, eh bien, il incombe au gouverneur donc musulman de lui prendre. Il incombe au gouverneur musulman donc de lui prendre de force et de l'éduquer. Et dans le cas, wa in kana ma'ahu shawka, wa junudun, wa 'udda yamtani'u bihim, fa'ala wali al-amr an yujayyish al-jaysh liqitalihi hatta yu'adda az-zakat, kama qatala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et donc dans le cas où est-ce que celui qui refuse de la donner par paresse, d'accord, eh bien au gouverneur musulman donc de lui retirer la zakat, d'accord, et de l'éduquer, donc de l'éduquer sur cela, afin que il se mette à sortir la zakat. Mais tandis que celui donc qui refuse de la donner par paresse et que il a une armée, d'accord, qui يعني وإن كان معه شوكة وجنود وعدة يمتنع بهم فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله. Donc si il se défend avec une armée, celui qui refuse de la donner, il se défend avec une armée pour ne pas la donner, bien qu'il croit en son obligation, eh bien, au gouverneur donc musulman de mettre en place donc une armée afin de le combattre jusqu'à ce qu'il donne la zakat, comme Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a combattu donc ceux qui refusaient de donner la zakat durant son califat. D'accord? Parce que eux, ils disent, donc ce hadith-là, hein, concernant Abu Bakr as-Siddiq, c'est donc vous le trouvez dans les deux sahih, Bukhari et Muslim, comme on le verra par la suite, inshallah, dans le détail. Ce sont donc des gens qui ont dit à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui était alors le calife, donc qui succédait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc il était le premier calife. Mais ils se sont mis à dire, nous l'avons donné du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne la donnons plus après sa mort. Alors, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu les a combattus. Nous verrons ça dans le détail tout à l'heure, inshallah. Amma idha kana yajhadu wujubaha wa yaqul laysat az-zakat wajiba wa an-nas ahrarun fa hadha yustatab fa in taba wa illa qutila murtaddan wa li'yadu billah. Tandis que celui qui renie totalement, il renie l'obligation, donc il renie l'obligation de la zakat. Et il dit, la zakat n'est pas obligatoire et les gens sont libres. Donc celui-ci qui tient ce genre de propos, même s'il ne tient pas ces propos-là, mais il a cette croyance-là, eh bien il se doit de se repentir. Donc, s'il garde cela en lui, donc il ne l'affiche pas aux gens, il ne le dit pas aux gens, mais lui, au fond de lui, il croit que ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Eh bien, ça devient kefr. Et en plus, s'il l'annonce, il le dit avec la parole, il dit que la zakat n'est pas obligatoire, il dit que la zakat n'est pas obligatoire, et que les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent la donner, ils la donnent, s'ils veulent ne pas la donner, ils ne la donnent pas. Eh bien, celui-ci, soit, donc, il se repent. S'il se repent, donc, il est délaissé. Le gouverneur musulman le laisse, libre. Donc, il s'est repenti de sa parole, et donc, qui croit en obligation, et qui se met à la sortir. Mais s'il refuse de se repentir, alors, il est combattu et il est exécuté en tant qu'apostat, qu'Allah nous en préserve. Et bien sûr, ce châtiment-là, c'est le gouverneur musulman qui ordonne cela. Le gouverneur musulman, c'est celui qui tient les rênes et la gouvernance de son pays, d'accord ? Et qui l'ordonne. Ce n'est pas à tout à chacun d'agir sur cela, ou de... c'est-à-dire de connaître que quelqu'un, eh bien, il dit ce genre de parole, et puis c'est un tel qui va s'occuper. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en islam. D'accord ? Ce n'est pas à chacun de vouloir, donc, appliquer tel ou tel châtiment pour celui qui ferait telle ou telle chose qui annulerait son islam. D'accord ? C'est bien au gouverneur musulman. Non, au gouverneur musulman de faire cela. D'accord ? D'ordonner au juge islamique qui... Voilà, tout cela. Yani, c'est, en islam, yani, tout est légiféré, tout est cadré. Ce n'est pas au premier venu de faire ce qu'il veut, parce que sinon, c'est là, ce sont les turpitudes sur terre et les fitan, et les troubles. D'accord ? Ça deviendrait n'importe qui, il voudra faire ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est bien au gouverneur musulman, donc, eh bien, d'appliquer cela, et non pas aux individus. D'accord ? Donc celui qui refuse de croire en son obligation, soit il se repent, s'il se repent, sinon, eh bien, il est exécuté en tant qu'apostat, qu'Allah nous en préserve. D'accord ? Ça, c'était donc la parole de Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, concernant le troisième pilier de l'islam, qui est la zakat. Le Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, Hafidhullah, dit concernant la zakat. Al-zakat hiya qarinat al-salat. Al-zakat hiya qarinat al-salat fi kitab Allah wa sunnat Rasulih sallallahu alayhi wa sallam kama qala Allah azza wa jal fa'in tabu wa aqamu al-salat wa atawu al-zakat fa khallaw sabilahum. Donc, la prière, la zakat, c'est ce qui va avec la prière dans le livre d'Allah et dans la sunna de son envoyé. Et dans la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah le Très-Haut a dit, ça c'est dans Sourate At-Tawbah, les versets que je vais citer, dans la traduction du sens des versets que le Cheikh a mentionné. Eh bien, fa'in tabu, s'ils se repentent, et en il est politesse, s'ils se repentent du shirk, وأقاموا الصلاة et qu'ils établissent la prière, وأتوا الزكاة et qu'ils donnent la zakat, alors laissez-les. وقال فإن تابوا يعني laissez-les libres. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Et Allah le Très-Haut a dit, toujours dans Sourate At-Tawba, donc s'ils se repentent et qu'ils établissent la prière et donnent la zakat, eh bien donc ils deviennent vos frères en religion. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et dans Sourate Al-Bayyina, Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, lui vouant, donc que d'adorer Allah seul, lui vouant, donc un culte exclusif, en étant sincère dans la religion, et qu'ils établissent la prière, et qu'ils donnent la zakat. Et cela est la religion. Donc, et cela donc est... Et donc la religion de droiture. وهي عبادة مالية نفعها متعدد. Et donc c'est une adoration avec l'argent. Donc c'est une adoration qui est vouée à Allah Azza wa Jal, à Allah le Très-Haut. Donc ceci là, c'est concerne l'argent, les biens. D'accord, ça concerne l'argent et les biens. وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني لأنها شيء يسير من مال كثير. Et donc il dit le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah, il dit eh bien Allah le Très-Haut l'a donc rendu obligatoire le fait de prendre, c'est-à-dire que les riches prennent donc de leurs biens et afin de bénéficier yani celui qui est pauvre sans nuire à celui qui est riche, mais tout en bénéficiant celui qui est pauvre, parce que c'est quelque chose yani de ça va bénéficier celui qui est pauvre, mais ce n'est pas une grosse quantité qui est prise des biens de celui qui est riche. Ça, c'était la parole de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidhullah, concernant donc ce troisième pilier de l'islam. Donc là, on va détailler un peu plus, Inch'Allah, concernant donc la zakat. C'est-à-dire comment hein, on la sort et comment on la calcule, Inch'Allah. Donc la zakat, elle est obligatoire pour tout musulman. La zakat est obligatoire pour tout musulman. D'accord ? Musulman au pluriel, ça inclut musulman et musulmane, d'accord ? La zakat est obligatoire pour tout musulman. Donc sort de cela les non-musulmans, c'est-à-dire les kofars. Donc pour les kofars, les mécréants, la zakat pour eux ne leur est pas obligatoire. C'est-à-dire que par exemple, dans un pays musulman, ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont des kofars, et qui sont sous un pacte avec donc le gouverneur musulman de ce pays, pourquoi ils sont sous un pacte ? Parce qu'ils sont rentrés avec une autorisation, et ceci est un pacte, d'accord ? Eh bien, pour eux, la zakat n'est pas obligatoire, d'accord ? La zakat n'est pas obligatoire, ça concerne les musulmans. Et puis, même s'il venait, si un non-musulman, c'est-à-dire un mécréant, venait à sortir donc la zakat, ce ne serait pas accepté de lui par Allah le Très-Haut. Car Allah Azza wa Jal n'accepte, condition des acceptations des œuvres, il faut n'accepte que celui qui est musulman, qui le fait sincère pour Allah et selon la sunnah de son envoyé, de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui n'est pas musulman, il ne rentre pas dans cela. Donc, la zakat est obligatoire pour tout musulman. Pour tout musulman libre, c'est-à-dire celui qui est esclave, eh bien, la zakat n'est pas obligatoire pour lui. Mais c'est pour tout musulman libre, la zakat est obligatoire. Deuxième condition. Donc il y a trois conditions pour la zakat. Première condition, elle est obligatoire pour tout musulman libre. Deuxième condition, pour ceux qui ont en leur possession An-Nisab. Et An-Nisab, c'est l'argent ou bien minimum que tu possèdes pour laquelle la zakat est obligatoire. D'accord ? C'est un seuil minimum que tu possèdes. Pendant une année lunaire. Pendant une année lunaire. D'accord ? Et ceci inclut même pour les récoltes, pour les grains et les fruits, il y a un seuil minimum. D'accord ? Et ça, on va le voir, Inch'Allah. Donc, première condition, la zakat est obligatoire pour tout musulman libre. Pour ceux qui ont en leur possession An-Nisab, c'est donc qui est l'argent, l'Nisab, c'est l'argent ou bien minimum que tu possèdes, pour laquelle la zakat est obligatoire, c'est le seuil minimum que tu possèdes. C'est de même pour les récoltes, pour les grains et les fruits, il y a aussi un seuil minimum. Et la troisième condition, c'est ce que tu possèdes en bien ne descende pas en dessous du seuil imposable pendant un an lunaire. D'accord ? Ça, ce sont les trois conditions pour la zakat. Donc, elle est obligatoire pour... Elle devient obligatoire pour tout musulman libre, pour ceux qui ont en leur possession An-Nisab. Et la troisième, ce que tu possèdes en bien qui a atteint An-Nisab ne descende pas en dessous du seuil imposable pendant un an lunaire. Pendant un an lunaire. Ce que tu possèdes en bien ne descende pas en dessous du nisab pendant un an lunaire. Sauf concernant la récolte. Ceci ne concerne pas donc la récolte, parce que la récolte c'est différent. La récolte, concernant la récolte, ce que tu sèmes, tu dois donner la zakat le jour de la récolte, lorsque ce que tu as récolté a atteint le seuil minimum. D'accord ? Donc, la récolte, ce qui diffère avec la récolte, c'est que ce que tu sèmes, tu dois donner la zakat le jour de la récolte lorsque ce que tu as récolté a atteint le seuil minimum, c'est-à-dire a atteint le nisab. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, a dit. Dans la traduction du sens du verset, et donner son droit de ce que vous avez récolté le jour de la moisson, où vous récoltez ses grains ou fruits. D'accord ? Ça, c'est la preuve pour, donc, dans la traduction du sens du verset. Donc, le seuil minimum pour l'or. Alors, le seuil minimum. Pour qu'on sache maintenant comment on va calculer, comment on va calculer et sortir, inchallah, la zakat. Le seuil minimum pour l'or. Donc, il est de 20 dinars islamiques. Donc, on va voir la preuve de tout ce que je vais avancer ici, inchallah. Tout d'abord, je vais expliquer, inchallah. Donc, le seuil minimum pour l'or, c'est de 20 dinars islamiques. Et un dinar islamique équivaut à 4,25 grammes. Un dinar islamique équivaut à 4,25 grammes. Eh bien, sachant que le seuil minimum pour l'or, c'est 20 dinars islamiques, donc on sait que un dinar islamique, ça équivaut à 4,25 grammes, Et là, on veut savoir donc combien de grammes d'or fait que on a atteint le seuil minimum pour l'or, c'est-à-dire le nisab. Eh bien, on fait donc 20 fois 4,25. Un dinar islamique, ça équivaut à 4,25 grammes. Donc 20 dinars islamiques, c'est 20 fois 4,25 grammes. Donc on aura 85 grammes. Donc ça te donne 85 grammes. Ça, c'est le seuil minimum pour l'or. Le seuil minimum pour l'argent, le métal, c'est 200 dirhams islamiques. Donc le seuil minimum pour l'argent, et en est le métal, l'argent, hein. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a le bronze. Eh bien, pour l'or, le seuil minimum, c'est 20 dinars islamiques. C'est-à-dire que c'est 85 grammes d'or. Lorsqu'on a 85 grammes d'or, c'est le seuil minimum. Et il faut sortir donc là, la zakat. Le seuil pour l'argent, le métal qui s'appelle l'argent, le seuil minimum, c'est 200 dirhams islamiques. Et l'équivalent du dirham, donc on voit bien la différence hein, tout à l'heure, il ne faut pas qu'on se trompe. Seuil minimum pour l'or, c'est 20 dinars islamiques. Un dinar islamique équivaut à 4,25 grammes. Donc, 20 dinars islamiques, c'est 85 grammes d'or. Le seuil pour l'argent, c'est 200 dirhams islamiques. Et l'équivalent du dirham islamique, c'est 10 dirhams islamiques équivalent à 7 mathaqil. Donc 10 dirhams islamiques, c'est 7 mathaqil. Le seuil, c'est 200 dirhams. Donc 200 dirhams, c'est 140 mithqal. 140 mithqal, et le mithqal, c'est 4,25 grammes. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller doucement, Inch'Allah. Donc le seuil pour l'argent, c'est 200 dirhams islamiques. Comment on va le calculer, ça? On sait que 10 dirhams, c'est 7 mithqal. Donc 200 dirhams, c'est 200 fois 7 divisé par 10. C'est un produit en croix, d'accord? Ça nous donne 140 mithqal. Donc 200 dirhams qui est le seuil, c'est 140 mithqal. Et on sait que le mithqal, c'est 4,25 grammes. Sachant que le seuil, c'est 140 mithqal, c'est-à-dire 200 dirhams islamiques. Le mithqal, c'est 4,25 grammes. Donc on fait 140 fois 4,25 et on aura... Le résultat, c'est 595 grammes d'argent métal. Donc le seuil minimum pour l'argent, c'est 595 grammes. D'accord ? Et la zakat, c'est le quart du dixième. La zakat, c'est le quart du dixième. C'est-à-dire que c'est 2,5%. Et cela revient à diviser par 40 la somme que l'on a. D'accord ? On va comprendre ça. La preuve de cela, c'est le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu as 200 dirhams et que tu les as en ta possession pendant un an, alors tu dois donner en zakat 5 dirhams. Je répète la preuve de ce hadith, qui est authentique. Lorsque tu as 200 dirhams, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu as 200 dirhams et que tu les as en ta possession pendant un an, alors tu dois donner en zakat 5 dirhams. Donc, 200 divisé par 40, ça fait combien? Ça fait 5. Donc là, on comprend bien, à partir de cette preuve-là, pourquoi les savants donc ont... On dit les 2,5%, parce que souvent on entend 2,5%, qu'on prend des biens que l'on a pendant une année lunaire, d'accord ? Et donc, on comprenait pas, en fait, d'où venait le 2,5. Eh bien, la preuve, elle est là. Elle provient de ce hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu as 210 dirhams et que tu les as en ta possession pendant un an, alors tu dois donner en zakat 5 dirhams. C'est donc, soit tu multiplies donc par, c'est-à-dire c'est 2,5%, hein. Et cela revient à diviser par 40. D'accord ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si tu as là les 210 dirhams qui sont mentionnés dans le hadith, les 210 dirhams, tu les as. Donc, tu as 210 dirhams pendant un an, pendant une année lunaire. D'accord ? C'est pas le calendrier grégorien, d'accord ? C'est le calendrier lunaire, c'est-à-dire celui qu'on utilise pour les salettes. Donc, lorsque tu as 210 dirhams, tu les as en ta possession pendant un an, ce n'est pas descendu en dessous des 200, d'accord ? Et tu les as eus pendant un an lunaire, alors tu dois donner en zakat 5 dirhams. D'accord ? Donc je pense qu'il y a eu une interruption là de connexion là. Donc je redis, Inch'Allah. Lorsque tu as 210 dirhams pendant un an, qui sont en ta possession, comme dans le hadith, hein, et pendant un an lunaire, donc je disais, ce n'est pas le calendrier grégorien, d'accord, qu'ils utilisent, que les kofars utilisent. Donc, qu'eux, ils utilisent. C'est le calendrier, donc, c'est le calendrier yani lunaire qu'on utilise pour la salette. Tu as eu les 210 dirhams et que tu les as eus pendant un an. Ça veut dire que ce que tu avais de côté, ces 210 dirhams-là, eh bien, ce que tu as eu de côté n'est pas tombé en dessous de ce seuil. Eh bien, au bout d'un an lunaire, tu dois alors donner en zakat 5 dirhams. Tu dois donner en zakat 5 dirhams. D'accord ? Donc, on a bien vu en fait que concernant les récoltes, ce que l'on sème, eh bien, on doit donner la zakat le jour de la récolte, lorsque ce que l'on a récolté a atteint le seuil minimum. D'accord ? Et on avait vu la preuve dans cela, dans la traduction du sens du verset, et donner son droit. Yani de ce que vous avez récolté le jour de la moisson. Yani où vous récoltez ces grains ou fruits. Tandis que celui qui a cet argent-là, les 210 dirhams, donc ça a atteint le seuil, le nisab, d'accord ? Les 210 dirhams ici, ça correspond à 595 grammes d'argent. D'accord ? Il a atteint ce seuil-là. Il a atteint ce seuil-là. C'est cet argent-là qui a été de côté. C'est-à-dire que on ne compte pas ce que celui qui a reçu en salaire. Il a reçu son salaire. Donc il paye ses charges. Il paye son loyer, il paye ses charges, il paye l'électricité, il paye la nourriture, les vêtements qu'il a besoin, les courses qu'il a besoin, d'accord ? Et il laisse de l'argent de côté. L'argent qu'il a de côté, ça atteint le nisab. D'accord ? Si pendant un an, il y a une année lunaire, d'accord ? Elle a été écoulée, ça veut dire elle est passée. Et cet argent-là n'est pas descendu en dessous du seuil pendant toute cette année-là, lunaire, eh bien alors, il prend... Donc en fait, de cet argent-là, pour être plus simple, eh bien, il divise la somme qu'il a par 40. D'accord ? Il a l'argent qu'il a de côté. Cet argent-là a atteint le nisab, le seuil minimum. Il divise cet argent-là, donc, par 40. L'argent qu'il a de côté, il la divise par 40 et il sort cela en zakat. D'accord ? Et il sort cela en zakat. Alors, à qui on donne la zakat? La zakat, on ne la donne pas à n'importe qui. D'accord? La zakat, on ne la donne pas à n'importe qui. Donc, il y a 8 catégories de personnes à qui donner la zakat. Il y a les aumônes sont obligatoires et sont destinées aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, aux esclaves, aux endettés, à ceux qui sont dans le sentier d'Allah et aux voyageurs démunis. Et là, aux voyageurs démunis. C'est ce que dit donc le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimallah, dans l'explication donc de ce hadith-là, le hadith numéro 2 des 40 Nawawiyyah, concernant la zakat. Il dit wa tu'ti az-zakat, yani que tu donnes az-zakat, bima'na ta'ti, c'est-à-dire que tu la donnes, d'accord? Wa az-zakat hiya al-mal al-wajib fi al-amwal az-zakawiyya fi'atihi al-insan mustahiqqi ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla wa raja li thawabihi. C'est-à-dire que tu sors donc cet argent-là, eh bien, ce bien-là, tu le sors donc en cette aumône-là qui est obligatoire, tu la donnes à celui qui est dans le droit de la recevoir. D'accord ? Parmi les 8 catégories que l'on vient de voir. D'accord ? Tu le fais en sortant cette zakat-là, tu le fais en tant qu'acte d'adoration. D'accord ? D'adoration à Allah Azza wa Jal, à Allah le Très-Haut. En souhaitant sa récompense. مثل ذلك الدراهم والدنانير فيهما الزكاة فيهما زكاة. Il dit par exemple les dirhams et les dinars, il y a dans cela donc la zakat. وهي ربع العشر أي تأخذ ربع العشر وهو واحد من أربعين وتعطيه المستحق. C'est-à-dire que, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de la somme que tu as de côté pendant une année lunaire, qui n'est pas descendue en dessous du seuil, eh bien la somme que tu as de côté là, au bout d'une année lunaire, eh bien tu la divises par 40. Et le résultat que tu as, tu le sors, tu le donnes à l'une des catégories des 8 personnes à qui la zakat doit être donnée. وقد بين الله عز وجل أهل الزكاة في سورة التوبة أنهم ثمانية أصناف. Et Allah le Très-Haut a clarifié dans Sourate At-Tawba qui sont les gens qui sont en droit de recevoir la zakat, et ils sont de 8 catégories. Et ils sont de 8 catégories. فقال عز وجل الله لتريو أدونك دي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله أي فرضها الله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم والله عليم حكيم. Donc il dit, le shirk, il rapporte la parole d'Allah le Très-Haut dans Sourate At-Tawba, et c'est le verset 60. Verset 60 de Sourate At-Tawba. Donc la zakat, d'accord? Donc dans le verset, c'est les sadaqat, cela concerne la zakat. La sadaqat, celle qui est obligatoire, c'est-à-dire la zakat. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. C'est pour ça que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah dit donc la zakat ne se donne donc qu'à ces 8 catégories et que il n'est pas autorisé de la donner à autre que ces 8 catégories. D'accord ? وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه ولا حاجة إلى تفصيله هنا. Et donc il dit le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, il dit et donc les explications beaucoup plus précises sont mentionnées dans le livre de fiqh et donc il n'y a pas de besoin à détailler ici. D'accord ? C'est pour ça que même d'ailleurs, j'encourage donc à ce que vous revenez donc aux explications des livres de fiqh. Notamment, il y a notre frère Youssef Abou Anas, qu'Allah le préserve et le récompense pour ses efforts dans la da'wa, dans lesquels il a fait toute une série de cours sur le livre Al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wal-Kitab al-Aziz. Donc, et ça, c'est disponible donc pour les francophones. D'accord, vous pouvez trouver ça sur le site La Voie Droite, notamment. Et vous pouvez aussi trouver les cours donc du frère Sulayman El-Haïti. Également. Donc le frère Youssef Abou Anas, qu'Allah le préserve, eh bien, a bien détaillé hein, cela dans notamment Al-Wajiz. Donc on voit donc que c'est pour ces 8 catégories. Donc on avait vu tout à l'heure que eh bien, celui qui refuse de la donner, eh bien, soit il se repent, ou soit il est combattu. Et cela, donc, on avait vu que c'était, si bien sûr il est combattu, c'est-à-dire c'est le gouverneur musulman, d'accord ? C'est le gouverneur musulman qui décide de cela et qui ordonne qu'il soit combattu, d'accord ? Ce n'est pas n'importe qui, d'accord, qui va faire ça, qui va faire cela ou qui va prendre cette initiative là. Non, cela ce n'est pas permis, d'accord. Cela revient au gouverneur musulman d'appliquer cela. C'est pour cela que ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنع فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Et cela, là, ce que je mentionne actuellement, c'est tiré donc du livre Al-Wajiz. Al-Wajiz, fi fiqh al-sunnah wa kitab al-aziz. Et c'est ce que avait dit, ce qu'on avait vu au tout début, Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, concernant ceux qui refusent de la donner et qu'ils ont une armée et qu'ils ont une armée et eux, ils refusent de la donner. D'accord ? Eh bien, c'est au gouverneur musulman de mettre en place donc une armée afin de les combattre et jusqu'à ce qu'ils se mettent à donner la zakat qui est obligatoire. D'accord ? Et bien cela, la preuve dans cela, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, et ce hadith là donc est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah et qu'ils établissent la prière et qu'ils donnent la zakat. S'ils font cela, ils auraient épargné de moi leur sang et leurs biens, sauf dans les droits de l'islam. Et leur jugement est à Allah. Donc sauf dans les droits de l'islam, c'est-à-dire hein, concernant la loi du talion, c'est-à-dire que dans le cas où est-ce qu'il y a un musulman qui tue délibérément un autre musulman, eh bien, il revient donc au gouverneur musulman donc d'appliquer le fait que celui qui a tué délibérément un musulman, eh bien, se fasse tuer. Le musulman qui a tué un musulman. Donc on sait que le musulman, son bien et son sang sont sacrés. D'accord ? Cependant, le gouverneur musulman décidera donc, le juge islamique décidera donc qu'il se fait exécuter pour avoir tué délibérément un autre musulman. D'accord ? Donc on ne parle pas de celui qu'il tue sans avoir fait sans que ce soit une façon délibérée. C'est-à-dire sans l'avoir fait exprès, il a tué un autre musulman, alors il se doit là de sortir la diya, d'accord ? C'est-à-dire il doit payer donc une somme à la famille du défunt. وعن أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. Donc selon Abi Huraira رضي الله عنه, il rapporte que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que Abu Bakr donc fut le premier calife, il y a donc des gens qui ont mécru parmi les Arabes. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit à Abu Bakr, comment donc combattu des gens alors que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Et quiconque l'a dit aura épargné de moi son sang et aura épargné de moi son argent, ses biens et sa personne, excepté par le droit de l'islam et leur jugement est à Allah. فقال alors Abu Bakr رضي الله عنه a dit والله لا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. Par Allah, je combattrai tous ceux qui séparent entre la salat et la zakat. فإن الزكاة حق المال. Parce qu'ensuite Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه a dit parce que la zakat est le droit de l'argent. والله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. Donc il dit Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, en répondant à Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu lui a dit comment combattu des gens donc qui yani alors que eux ils ont témoigné que nulle divinité n'est en droit d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Et il lui rappelle donc que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque dit la ilaha illallah, eh bien aura préservé de moi son argent et sa personne, excepté par le droit de l'islam et leur jugement est à Allah. Alors Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu a dit, par Allah, je combattrai tous ceux qui séparent entre la salat et la zakat. Parce que donc ces gens-là refusaient donc de donner la zakat, de sortir la zakat. Ils ont dit, on l'a donnée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils ont refusé de la sortir. Ils ne la voyaient plus comme étant obligatoire. Ensuite Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu a dit, fa inna zakat, la zakat c'est le droit de l'argent. Par Allah, s'il refuse de me donner, donc s'ils s'abstiennent de me donner une corde qu'ils avaient l'habitude de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai pour leur refus de la donner. Alors Omar radiallahu anhu a dit, par Allah, eh bien Allah a apaisé la poitrine de Abi Bakr pour combattre ces gens-là. J'ai su alors que c'était la vérité. Donc on a vu donc sur qui la zakat est obligatoire, donc pour tous les musulmans. Les mécréants donc ne sont pas concernés par cela. Elle est obligatoire pour tous musulmans libres et qui ont en leur possession donc des biens qui ont atteint le seuil minimum, c'est-à-dire le nisab. Et la troisième condition, c'est que cet argent-là, qui est mis de côté, donc ces biens-là, ne descendent pas en dessous du seuil pendant un an. D'accord ? Du seuil, c'est-à-dire ne descendent pas au-dessous du nisab, d'accord ? Que l'on a vu. Le seuil minimum pour l'or, c'est 85 grammes. Et celui pour l'argent métal, c'est 210 dirhams islamiques, c'est-à-dire, on avait vu, 595 grammes d'argent. D'accord ? Donc, comment on peut savoir là ? Comment on peut savoir, on a des biens, on veut savoir si ça atteint le seuil ? Eh bien, il suffit d'aller sur Internet, hein, vous tapez sur Google, il suffit donc de taper sur Google le taux de grammes de l'argent actuel, le taux de grammes de l'or, donc cours argent, par exemple, vous marquez cours argent, gramme, et vous aurez donc un tableau, est-ce qu'il vous dira, donc, vous aurez un tableau qui vous dira, alors attendez, je vais essayer de relire sur le tableau ce qu'il y a, vous aurez donc en euros, vous aurez un gramme d'argent, ça vous donne combien ? Donc vous trouverez 0,49. Donc vous multipliez la somme que vous avez en bien de côté. Et vous voyez combien que ça vous donne. Si ça atteint le seuil, donc vous prenez donc de cet argent-là, vous divisez par 40 et vous aurez la somme à sortir. D'accord ? Donc si pendant toute une année lunaire, la somme qui est mise de côté n'est pas descendue en dessous du seuil, d'accord ? Alors, on sort, donc, on prend de la somme que l'on a, on divise par 40, le résultat que l'on a, on le donne à une des 8 catégories qui sont en droit de recevoir, donc, la zakat. D'accord ? Donc, j'espère, Inch'Allah, avoir été clair concernant ce troisième pilier sur la zakat. C'est vraiment un résumé, hein. Ensuite, comme je vous dis, ceux qui veulent plus de détails retournent vers les cours de fiqh par nos frères qui sont sur le manhaj. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Comme ça, on commencera, Inch'Allah, les deux autres piliers. On fera les deux autres piliers la semaine prochaine, bi'idhnillah. Jazakumullahu khair. Alors, attends, je vais voir ce que le frère Bekran me dit. On met quelle pureté ? Combien de carats ? Donc c'est de l'or là, c'est pas de l'alliage. C'est-à-dire que regarde, si tu tapes Inch'Allah sur si tu tapes en fait le cours argent gramme, tape ça sur Google et tu vas voir. Je vais le faire là tout de suite. Je crois qu'il y a un site qui s'appelle 24heuresgold.com. Le cours or et argent. Donc tu lorsque tu vois ça, tu vois. Alors, c'est, tu vois, l'argent, tiens, regarde, l'argent, donc c'est www.24hgold.com, et c'est /français/cours-or-8-argent, et donc tu as ici pour l'argent et pour l'or. Donc pour l'argent, tu vois, 1 gramme, c'est 0,56, quoi. 0,56. D'accord ? 0,56. Donc tu vois que c'est 0,56. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas multiplier par 595, parce que ça concerne l'argent. Et ça va te donner 333,20. Donc si je possède cette somme-là qui est de côté, d'accord? Après avoir payé tout ce que j'ai à payer et il me reste cette somme-là que j'ai de côté que j'ai pas touchée, d'accord? Eh bien ça, c'est le seuil minimum que j'aurai. Donc si au bout d'une année lunaire, j'ai toujours eu cette somme-là minimum de 333,20 centimes, je deviens alors imposable. D'accord? Et donc ce qu'il y a, c'est que je prendrai donc, si j'ai toujours cette somme-là, 333,20 centimes. D'accord? Si j'ai ce seuil-là minimum, d'accord? Ce que j'aurai en épargne, en tout en épargne qui est de côté, je le divise par 40. Et donc je le reverse aux personnes ayant droit à la zakat. D'accord? Donc si j'ai que les 333,20 là, ça va me donner. Donc je divise par 40 et c'est-à-dire que je donne en zakat 8,33 €. D'accord? Inch'Allah, c'est clair. Donc celui maintenant qui a de l'or, celui maintenant qui a de l'or de côté, d'accord, et bien il voit combien il a de grammes. Pendant une année, donc il a eu ça au minimum et que ça n'est jamais descendu en dessous de cela. Dans le cas où ça descend en dessous de cela, que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour l'or, si ça descend en dessous de cela, eh bien donc il faudra recompter à partir du moment où on a retrouvé le seuil. Et on compte donc une année lunaire. D'accord? J'espère, Inch'Allah, avoir été clair. Barakallahu fikum. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.